Und das ist der gute Kampf des Glaubens, den wir heute immer noch kämpfen. Et ça c'est le bon combat, le bon combat de la foi qu'on doit combattre, de croire jusqu'à la fin, d'avoir une foi vraiment qui ne change pas. 1 Timotheus 6. 1 Timothée 6. Praise the Lord. Alléluia. Vers 12. Vers 12. 1 Timothée 6, verset 12. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist und worüber du das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. Praise the Lord. Hallelujah. Fight the good fight of faith. Lay hold on eternal life. That's a relationship with God. Das ewige Leben, worauf er Hinweis ist, Beziehung mit Christus. Ergreife die Beziehung mit Christus. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle que Dieu t'a appelé à connaître et au sujet de laquelle tu as fait cette belle profession de foi en présence de nombreux témoins. Donc, saisis la vie éternelle. C'est comme on avait lu la vie éternelle, c'est de connaître Jésus-Christ. Amen. Amen. Our victory is fighting the good fight of faith. Unser Erfolg ist es, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen. Donc notre combat c'est le combat de la foi jusqu'à la fin. Which is to believe Christ. An Christus zu glauben, sein fertiges Werk. Et notre combat c'est de croire en Jésus-Christ avec et à son œuvre accomplie. Even the old. Selbst im alten Bündnis. Même dans l'ancien. Abraham as an example. Abraham zum Beispiel. Abraham par exemple. Amen. His victory was not he gave birth to Isaac. Sein Erfolg war nicht, dass er Isaac gebärt hat. Sa victoire, c'était pas qu'il avait eu un enfant, qu'il n'avait pas fait naître qu'il avait fait. After 20 something years. Nach mehr als 20 Jahren. Après 28 ans. De promesse. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Imagine that happened in a church today. Stellt euch vor, dass sowas in einer Gemeinde passieren würde. Da kannst du so stolz über dieses Zeugnis. Und er würde sich so aufplustern über dieses sogenannte Zeugnis. Imagine, s'il s'agissait d'avoir de l'enfant, un pasteur ou bien son témoignage, ça allait vraiment être immense. Amen. Abraham's victory was not he gave birth to Isaac. Abraham's Sieg war nicht, dass er Isaac das Leben geschenkt hat. La victoire de Abraham, c'était pas le fait qu'il avait donné la vie à Isaac. After 20 something years. Nach mehr als 20 years Jahren. Upon years. Après 28 ans de promesse. Amen. What man and religion call victory? Was der Mensch und Religion Erfolg nennen würde. C'est que l'être humain et la religion appellent victoire. Amen. Amen. After 10 years of marriage, 20 years of marriage, 30 years of marriage, we know years upon years going. Amen. Nach 10 Jahren Ehe oder 30 Jahre Ehe. Now they now have auf einmal haben sie einen Sohn, après 10 der Isaac heißt. Après 10 ans de mariage, après 20 ans de mariage, maintenant ils ont eu un fils, le nom de qui s'appelle Isaac. Amen. The Lord never see that. Der Herr sieht das nicht. He gave birth to Isaac. Mm. He only saw. He believed me. Er hat einfach nur gesehen, dass Abraham ihm glaubt. On va voir que l'Éternel n'a jamais vu le fait que Isaac, que Abraham a fait naître Isaac. Il n'a pas vu ça comme victoire. Mais la victoire devant l'Éternel, selon l'Éternel, c'était que Abraham a cru en lui jusqu'à la fin. Amen. Amen. Romans 4, verse 3. Romains 4, verset 3. Romains 4, verset 3. He said, for what said the scripture, Abraham believed God, and it was counted unto him for righteousness. Amen. Denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott, und das wurde ihm als Rechtigkeit angerechnet. Romains 4, verset 3, il dit que, en effet, que dit l'Écriture? Abraham a eu confiance en Dieu, et Dieu a porté sa foi à son crédit pour le déclarer juste. Donc c'était à travers sa foi qu'il a été déclaré juste. He believed it was not he gave birth to Isaac that was the victory. Nicht weil er an Isaac gebärt hat, sondern weil er an Gott geglaubt hat. Das war der Erfolg. Donc la victoire d'Abraham, c'était pas qu'il avait fait naître à Isaac, c'était parce qu'il avait cru en Dieu. Believing Christ is our blessing. Christus zu glauben ist unser Segen, ist unser Erfolg. Donc croire à l'Éternel, c'était sa victoire, c'est notre victoire. Amen. Amen. and not giving birth to children. Und nicht Kinder gebären. Having a house. Ein Haus haben, ein Auto haben. How you get et pas faire naître des enfants ou bien avoir une maison, des voitures, des histoires comme ça. Amen. Witches and wizards, they give birth. Hexen und Magier, sie gebären auch Kinder. Des Magiciens, les gens sataniques, eux ici sont capables à faire naître les enfants. The prostitutes, they also give birth. La prostituée, sie bringen auch Kinder. Don't believe any God. Sie brauchen auch nicht dafür, erstmal Christus zu glauben. Les prostituées, par exemple, eux aussi, ils donnent naissance, ils font naître les enfants et ils n'ont pas besoin de croire à l'Éternel pour le faire. You know, whatever you get, how you receive, how it came to you, how you get it, is more important than even having it. Was immer du hast, how you, wie du es bekommen hast, ist wichtiger, als dass du es bekommen hast. Donc, n'importe tout ce que tu as, la manière laquelle tu l'as eu, tu l'as reçu, c'est ça qui est plus important même du fait que tu l'as eu. The three Hebrew boys, their victory was not... Fire did not burn them. Beim drei hebräischen Jungs ist auch so, das Volk war nicht, dass das Feuer sie nicht verbrannt hat. Avec les trois garçons hébreux, par exemple, leur victoire, c'était pas le fait que le feu n'a pas pu leur brûler. But they believed God. Aber dass sie Gott geglaubt haben. Mais la victoire était qu'ils étaient capables à croire à l'Éternel. They never gave up on him. Sie haben ihn nicht aufgegeben. Ils n'ont pas abandonné. They never allowed the king to threaten them. Sie haben nicht zugelassen, dass der König sie bedroht mit irgendetwas. Ils n'ont pas laissé que le roi puisse leur menacer. What about Daniel? Was mit Daniel? Et Daniel n'ont pas permis au roi de leur menacer. Et si on voit même Daniel, c'est la même chose. His victory was not the lion did not eat him. Sein Erfolg war nicht, dass die Löwen ihn nicht gefressen haben. La victoire de Daniel, c'était pas le fait que les lions l'a pas dévoré. His victory was he believed God. Sein Erfolg war, dass er an Gott geglaubt hat, dass er Gott gewählt hat. La victoire, c'était qu'il a fait confiance à l'Éternel, il a choisi de faire confiance à l'Éternel. Et pour Joseph. Auch Joseph. Même Joseph. His victory was not, he did not even fornicate. Sein Erfolg war nicht, dass nicht Unzucht betrieben hat. With that woman. Mit dieser Frau. Donc sa victoire, c'était pas qu'il n'avait pas fait commis une fornication. Are you getting it? Oh, his family did not revenge. Oder seine that was not the victory. Familie keine Rache ausgeübt hat. Ou bien que le fait que sa famille n'avait pas fait une revanche. Oh, he did not fight back. Oder hat nicht that was not the victory. Das war nicht der Erfolg. Ou bien qu'il s'est pas battu aussi contre eux, c'était pas ça sa victoire. Oh, he became prime minister. Oder dass sogar ein Minister wurde. Ou bien le fait qu'il est devenu un premier ministre, c'était pas sa victoire. His victory was his choose God. Sein Erfolg war, dass Gott gewählt hat. Sa victoire, c'était qu'il avait choisi Jésus-Christ. Amen. Our victory should not be based on things. Unser Erfolg sollte nicht auf Dingen basieren, sondern auf ihn allein. Donc notre victoire ne doit pas être basée sur les choses, mais en lui. The way to what you call victory is more important to. It's more important than that very victory. Der Weg zu dem, was du Sieg nennst, ist wichtiger als die Sache, die du Sieg nennst. Le chemin laquelle tu choisis pour obtenir les choses est même plus importante de la chose que tu as obtenue. Proverbe 10:22. Là, il s'agit de la bénédiction. Makes us rich, but not sorrow. Macht uns reich und fügt uns kein Leid hinzu. La bénédiction de l'Éternel nous enrichit et ça nous emporte pas du malheur. Satan also have his own victory. Der Satan hat auch seinen eigenen Erfolg. Le diable lui aussi a sa propre victoire. What you call blessing? Was Segen nennt? C'est que lui l'appelle. It also makes them rich. Und es macht sie auch reich. Et ça lui enrichit aussi. Let's guess what? There's no salvation. Aber rat mal, es gibt da keine Errettung. Mais dans le succès du diable, il n'y a pas de salut. One thing with Christ's victory is that the outward result or report never changes. Der Fall von Christus wird durch äußere Umstände und Ergebnisse nicht beeinflusst. Donc la victoire de l'Éternel ou bien le succès de l'Éternel, sa victoire, l'extérieur ne peut jamais le changer. Again, one thing with Christ's word the outward result or report. Let me put it this way. Just one thing with Christ's victory. Der Fall von Christus Jesus. The anything outside report or result never changes. Ist unantastbar für die äußeren Umstände und Bedingungen und Resultate. Amen. La victoire de Jésus-Christ, tu dois comprendre que quand tu as cette victoire, n'importe qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur, les 500, c'est que les 500 te disent, ça va jamais changer cette victoire. Your past should never change your belief Christ. Your faith should never change your belief Christ. Dass du bestehst, sollte deinen Glauben an Christus nicht beeinflussen. Dass du nicht bestehst, sollte auch deinen Glauben an Christus nicht beeinflussen. Le fait que tu as passé tes examens ou bien le fait que tu n'as pas passé tes examens, ça doit jamais secouer ta foi. The three Hebrew boys, even if they were born by the fire, they still have victory. Die drei britischen Jungs, auch wenn sie verbrannt wären in dieser Situation, hätten sie dennoch den Sieg gehabt. Les trois garçons hébreux, par exemple, même s'ils étaient ils étaient brûlés, mais leur victoire était toujours là, qu'ils avaient cru à l'Éternel jusqu'à la fin. Because their victory was not based on they did not fire could not burn them. Weil ihr Sieg eben nicht darauf basiert hat, dass sie nicht verbrannt sind. Parce que leur victoire n'est pas basée du fait qu'ils seront brûlés ou pas. Amen. Their victory was based on they believe they chose to believe God to the end. Ihr Sieg lag ganz allein darauf, dass sie Christus, dass sie sich entschieden haben, Christus bis ans Ende zu glauben. Donc leur victoire était basée du fait que ils se sont décidé de croire à Jésus-Christ, à Dieu jusqu'à la fin. Even Daniel. Yes, Daniel. Et même Daniel. Amen. If he was eaten by the lion, it has nothing to do with his victory. Hätten die Löwen ihn verspeist, das hätte nichts mit seinem Sieg gemacht. Donc si même avec la même chose avec Daniel, même si Daniel a été dévoré du lion par exemple, ça n'allait jamais changer sa victoire parce que sa victoire était quand c'était qu'il a cru à l'Éternel. His victory was he believed the Lord. Und sein Erfolg war, dass er den Herrn geglaubt hat. Par sa victoire et le fait qu'il croit à l'Éternel. Amen. No lion can stop it. Kein Löwe kann das aufhalten. Et cette victoire, même pas le lion est capable à le stopper. À l'arrêter. Praise the Lord. Hallelujah. Say thank you to Christ. It's not with just our mouth. Sich bei Christus zu bedanken, tun wir nicht nur mit unserem Mund, sondern indem wir uns für ihn entscheiden, immer wieder. Se remercier envers l'Éternel, c'est pas seulement à travers nos bouches, avec nos lèvres, mais c'est avec aussi notre cœur. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. In Africa, especially in Nigeria. In Afrika, besonders in Nigeria beispielsweise. En Afrique, surtout en Nigeria, par exemple. For them and from them, it's all about thank you. Ihnen geht's immer Danke sagen. Pour eux, il s'agit toujours de se remercier. Are you getting it? Amen. In Acts 20, verse 35, it says, it is more blessed to give than to receive. Aber in Apostelgeschichte 20 lesen wir, geben ist seliger als nehmen. Mais Acte des Apôtres nous dit que c'est tu es plus venu quand tu donnes. Acte 20, on va le dire ensemble. Apostelgeschichte 20. Acte des Apôtres 20. Praise the Lord. Acte 20. Verse 35. Acte 20, verset 35. I have shown you all things, how that so laboring you ought to support the weak. And to remember the works of the Lord Jesus, how he said it is more blessed to give than to receive and say thank you. Es ist besser zu geben als der zu sein, der empfängt und sich immer wieder bedankt. Je vous ai montré partout et toujours qu'il faut travailler ainsi pour aider les pauvres. Souvent, nous souvenons-nous de ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit. Il a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Are you getting it? Okay. You know, here the Bible is telling us that you that receive is not the one that is blessed. It's somebody that is giving you. Die Bibel sagt uns, die Person, die empfängt, ist nicht die Gesegnete in dem Moment, sondern die Person, die gibt, ist die Gesegnete. Donc la Bible nous dit que c'est pas la personne qui reçoit qui est bénie, mais c'est la personne qui donne qui est bénie. Tu vois comment la religion est un menteur. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. The kingdom of Christ is a giving kingdom. Das Königreich von Christus ist ein Königreich, in dem man gibt, in dem man segnet. Donc le royaume des cieux, c'est un royaume qui bénit. Amen. He gave and gave and gave and gave up his life. Er hat gegeben und gegeben, bis er sein eigenes Leben gegeben hat. On voit même à l'exemple de notre roi, par exemple, Jésus, il a donné jusqu'à fin. À la fin, il a même donné sa propre vie. Amen. And now we want to start with this message, please. Jetzt geht's weiter mit der heutigen Botschaft. Our savings. Unsere Ersparnisse. Et maintenant, on commence avec. Our savings. Unsere Ersparnisse. Maintenant, on commence avec notre message. Il s'agit de nos épargnes. Nos épargnes, voilà, merci. Christ, our savings. Christus, unsere Ersparnisse. Jésus-Christ est notre épargne. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, last week, my daughter here, it was not last week, some weeks ago, Jennifer talks about somebody talking to her about savings. Letzte Woche hat meine Tochter darüber gesprochen, dass jemand über Ersparnisse gesprochen hat. Und daraufhin hat der Heilige Geist mir gesagt, dass ich diese Botschaft heute geben soll über Ersparnisse. Les semaines passées, il y avait ma fille Jennifer qui a parlé concernant les épargnes. Et l'Éternel m'a dit que je dois vous donner ce message. Christ, our savings. Christus, unsere Ersparnisse. Le Christ est notre épargne. Heavenly savings. Himmlische Ersparnisse. Une épargne céleste. Remember, things are either earthly or heavenly. Erinnert euch daran, dass Dinge entweder irdisch oder himmlisch sind. Rappelez-vous que les choses sont ou terrestres ou célestes. Christ has savings. Christus hat Ersparnisse. Le Christ a ses épargnes. So also Peter, Paul. Genauso and all others of the kingdom of heaven. Tout comme Pierre, Paul, le royaume des cieux, we are his savings. Wir sind seine Ersparnisse. Nous sommes ses épargnes. Somebody getting it. Yeah. Praise the Lord. Hallelujah. And Christ is also our savings. Christ ist auch unser Ersparnis. Et le Christ est aussi notre épargne. We are Peter, Paul, and all others. They are savings. Wir sind die Ersparnisse von Petrus, Paulus und allen anderen. Amen. Nous sommes les épargnes de Paul, Pierre et de tous les autres. And we are one another savings. Wir sind einander Ersparnisse. Et nous sommes aussi les épargnes de l'un à l'autre pour l'autre. Is somebody getting it? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, he does not want you to see yourself as somebody that don't have savings. Er möchte nicht, dass du dich als jemand siehst, der keine Ersparnisse hat. Il ne veut pas que tu puisses te voir, te considérer comme quelqu'un qui n'a pas les épargnes. You know, in the natural world, they have their system. Natürlich, haben they have a system. Konto or account where they keep the money. Sie haben ein Konto, wo sie das Geld sparen können. And you also have your account. Aber wir haben auch ein Konto. Dans le monde ici céleste, tout le monde a leur compte, ils ont leur épargne, ils savent où ils sont en train de garder leur argent. Nous aussi, les enfants de Dieu, on a aussi nos épargnes. Amen. Amen. That you do not, that your account is not here, does not mean you don't have account. Das Konto nicht hier auf Erden, das heißt, dass du kein Konto hast. Amen. That's your service. That is not here. It don't mean it's greater than here. Amen. I don't know if somebody's greater. Is getting it. Your account is greater than whatever is here. Nur weil es hier nicht that's ist, the difference. Heißt nicht, dass es, that does not mean you don't have account that is not here. Nur weil es nicht auf der Erde ist, dieses Ersparnis, heißt nicht, dass es nicht existiert. Es heißt einfach nur, dass es sogar größer ist als das, was hier ist und gar nicht gehalten werden kann vom physischen sozusagen. Pas seulement parce que vu que tu n'as pas juste parce que tu n'as pas les économies ici dans le monde terrestre que tu ne les as pas vues, ça signifie pas que tu ne l'as pas dans le monde dans le royaume des cieux. Are we ready for the message, please? Sind wir bereit für die Botschaft? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. The natural world have their savings. Die natürliche Welt hat ihr Erspartes. Le monde naturel a ses propres économies. Remember the word of Christ. He said, we are in this world, but not of this world. Er hat euch an das Wort von Christus. Always don't allow that to depart from you. Wir sind auf dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Lass nicht zu, dass diese Tatsache von euch weicht. Rappelle-toi que la parole nous dit que nous sommes dans ce monde, mais pas de ce monde. On ne doit pas oublier ce fait. It means your system is not our system. Das heißt, ihr System ist nicht unser System. Das significa que leur système, c'est pas notre système. Your ways is not our ways. Ihre Wege sind nicht unsere Wege. Leur chemin, leur moyen, leur chemin ne sont pas nos moyens. Remember Jesus, and when he was here, whatever he was going to do, it was all according to his own system. He was going to feed thousands. You have just look onto him. Not going to do one job or fighting and just gathering money. Das, was er hier gemacht hat, war immer übernatürlich und nicht natürlich. Er hat immer auf den Himmel geschaut für seine Versorgung. Deswegen hat es auch gezeigt, indem Tausende satt wurden von wenig. Et tu peux voir aussi dans le système de l'Éternel, Jésus-Christ, lui par exemple, quand il faisait ses histoires, il faisait ça à sa propre manière, totalement différent pour les autres. Il était prêt à nourrir 5000 personnes, mais pas en travaillant, en faisant des épargnes ou bien en demandant. Non, il a seulement regardé au royaume des cieux, il a regardé en haut et il a eu la possibilité de nourrir 5000 personnes. Können wir ihm glauben? Question. Das ist die Frage. Mais est-ce que la question est que est-ce qu'on est capable à lui croire? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. The religion will tell you everything possible. Selbst die Religion wird dir sagen, es ist alles schon vergangen. Même la religion va te dire que tout était passé avec le Christ. Quand il est mort, il est parti. Et c'est comme ça aussi, il est parti avec tous ses biens, sa manière. Das ist alles nicht mehr so, wie es getan hat. Das kann man heute nicht mehr so umsetzen. Donc on n'est plus. Ça va te dire que oui, les choses peuvent pas être faites comme ça. But he said, I am the same yesterday, today, and forever. Aber er sagt, ich bin der gleiche gestern, heute und für immer. Ich verändere mich nicht. Mais lui, il dit que je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement, et je ne change jamais. Matthieu 6, please. Matthieu 10. Matthieu 10. Here Christ talks about their savings. Christus spricht hier über ihr Status. Jésus-Christ parle ici de leurs économies. Amen. Talks about their savings. Verse 19. Verse 19. Matthew 6, 19. So can you help us to read? Matthew 6, verse 19. Ihr sollt euch durch Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachfragen und stehlen. Amen. Lay not up for yourself treasure upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal. Things are either earthly or heavenly. Die Dinge sind entweder irdisch oder himmlisch. Ici, il nous dit que clairement, ne vous amassez pas les choses de la richesse sur la terre. Où sont-elles donc tu dois comprendre qu'il y a les choses qui sont ou terrestres ou célestes. Verse 20. Amen. Here Christ talk about our savings. Christus spricht hier über unser Spartes. Ici, l'Éternel nous parle de nos économies. Amen. Mm. Do you see there? Verse 20. Jennifer, can you help us? Wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachkramen und stehlen. Praise the Lord. Lord, these are two different savings. Das sind zwei verschiedene Ersparnisse. Donc, il nous fait voir ici la différence des économies terrestres, verset 19, et des économies célestes, verset 20. Amen. Amen. But lay up for yourself treasure in heaven. We are neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through, nor steal. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Our salvation is our savings. Unsere Rettung ist unser Erspartes. Amen. Notre salut, c'est ça notre épargne, c'est ça nos économies en fait. Amen. Amen. Christ's gospel is our savings. Das Evangelium von Christus ist unser Erspartes. L'évangile de l'Éternel est notre économie. Look at what Matthew 13. Matthieu 13. Praise the Lord. Hallelujah. Felix, we help us to read. Matthew 13. Matthieu 13. Amen. Amen. From 44 to 46. Hier 40 bis 46. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem verborgenen Schatz im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin, verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine kostbare Perle fand, ging er hin, verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Praise the Lord. Hallelujah. He said again, the kingdom of heaven is like unto a treasure hid in a field. The which when a man had found, he hid it. And for joy thereof goeth and selleth all that he had, and buy that field. Again, the kingdom of heaven is like unto a merchant man seeking goodly pearls, who when he had found one pearl of great price, went and sold all that he had. You know, he went to, he took all his savings. In einem Alter, er sparte es. And bought it. Hat es gekauft. Donc, je vois que verset 44 à 45, il nous dit que le royaume des cieux ressemble à un homme qui a tout son trésor, toutes ses épargnes, qu'il a, il a vendu ça pour acheter la vraie perle qu'il avait besoin. If you look at the world today, they do everything to have their savings. Wenn wir uns die Welt anschauen, sehen wir, dass sie alles tun, um ihr Erspartes zu bekommen und weiterhin anzuhäufen. Et si tu vois le monde terrestre ici, tu vas voir que ils sont en train de tout faire pour garder leur épargne et oui, de multiplier leur économie en fait. Especially here in Western world. Besonders hier in der westlichen Welt. Sind Ersparnisse etwas, was sie sehr, sehr ernst nehmen. Surtout dans le monde ici en Europe. Les épargnes, l'économie est une chose très importante pour eux. They save for their unborn children. Sie sparen für ihre ungeborenen Kinder. Ils sont en train de épargner pour leurs enfants qui sont même pas nés. They will have grave for themselves. That when they die, they keep them there. Sie sparen für ihre eigenen Beerdigungen. Ils sont en train d'épargner pour leur propre. They put the flower already on it. They go there and look at their grave. Oui. Mort. Funérail, enterrement par exemple. Oui, ils sont en train de d'épargner leur enterrement. C'est une bousartige Welt. Quel monde cruel. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. We just read Matthieu 13. Wir haben Matthäus 13 gelesen. On a lu Matthieu 13. Amen. Their service is so important to them. Ihr Spaß ist ihnen so wichtig. Leur économie est vraiment très important pour eux. Until there is something very important, they don't go there. Erst wenn es ihnen wichtig ist, geben sie dieser Sache Beachtung. C'est quand ils trouvent quelque chose qui est important, c'est là ils sont en train de oui. Sometimes we go there if they don't have important things. Einige geben dieser Sache manchmal Beachtung, wenn sie nicht wichtig, ach so, das meinst du. Sie geben diese, sie brechen sozusagen dieses Sparschwein nur auf, wenn es wirklich wichtig ist. Sonst gar nicht. Et il y a d'autres gens qui sont en train de, qui ont des économies, des épargnes, et ils ne touchent pas, ils touchent seulement quand ils voient qu'il y a quelque chose de très important, et là, ils sont prêts à briser leur épargne. You know, like your age, for example, if you ask some of your co-workers how much they have saved, if they say to you, amen, that is never greater than Christ. In eurem Alter, wenn ihr eure what you still have is still greater. Kollegen auf der Arbeit fragen würde, was sie erspart haben, dann werdet ihr euch wundern, weshalb die überhaupt noch da arbeiten müssen. Aber das, was sie haben, kann man nicht ansatzweise vergleichen mit dem, was Christus ist. No, und deswegen uns keine Sorgen machen. Si vous demandez par exemple à vos aux gens qui travaillent avec vous, à vos collègues, combien ils ont épargné, tu vas voir que c'est vraiment beaucoup et tu vas te demander mais pourquoi ils travaillent ici même, parce qu'ils ont vraiment beaucoup d'argent, beaucoup épargné. Et mais c'est pas comparable à ce que nous on a aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Amen. We just read Matthew 6. We heard the Bible say, you know, God, the Lord said that they save for the thief. Ja, Matthäus 6 hat gelesen, dass sie sparen für den Dieb. Sie sparen für den Dieb, damit der Dieb es mitnehmen kann. Donc si on considère ce qu'on a lu à Matthieu 6, 19, on va voir que leur épargne, leur économie est vraiment en train, ils sont en train de économiser pour le voleur. Pour qu'on puisse, oui, les voulions à la fin. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. We set out to have it. Amen. Wir verkaufen alles, um es zu haben. Mais nous, on est prêt à tout vendre pour obtenir notre perle. Familie. Orte, die gegangen sind früher, alles wurde verkauft. On a vendu nos familles, on a vendu les places que, où on partait avant, c'est qu'on aimait où on partait avant. Dinge, die wir geliebt haben, haben wir verkauft, um Christus zu gewinnen. Donc tout ce qu'on aimait avant, on a tout vendu pour gagner l'éternel, pour gagner Jésus-Christ et son royaume. Remember, baby, just read Matthew 13. So sell all to have it. Everything, all of this soul. The system of this world has been sold. Das System der Welt wurde verkauft, um ihn zu haben, ihn zu gewinnen. Donc si on lit encore bien Matthieu 13, 44 à 45, on va voir qu'on a vraiment tout vendu pour obtenir notre perle précieuse qui est Jésus-Christ. Amen. You know, we are already saying thank you to Christ Jesus. Und wir sagen damit schon Danke zu Jesus Christus, weil wir ihn wählen. Amen. Quand on choisit Jésus Christ, on dit automatiquement merci à l'Éternel. And we are going to say thank you to Peter, Paul and all others for what we are enjoying today. Und genau so werden wir uns auch bedanken. We are enjoying. We are reading the Bible today. Weil sie haben gespart, damit wir empfangen können. Et de la même manière, on va aussi se remercier, on remercie aussi les disciples, Paul, Pierre et tous les apôtres qui nous ont aidés. Ils ont économisé pour qu'on puisse être qui nous sommes aujourd'hui. Ils ont écrit, ils nous ont aidés à comprendre la Bible, à l'écrire, ou bien leur exemple était vraiment très nécessaire pour nous aujourd'hui. See the enjoyment we are enjoying today. Den Genuss, den wir sozusagen thank the Lord for their service. Haben dürfen. Aufgrund ihrer Ersparnisse, sie haben wirklich gespart für uns. Eux, ils ont vraiment économisé, ils ont fait des grandes épargnes pour qu'on puisse se jouir de ça aujourd'hui. Amen. Amen. Et on est vraiment Praise the Lord. Amen. Amen. They allowed themselves to be a vessel for Christ Jesus. Sie haben zugelassen, dass sie Gefäße sind für Christus Jesus. Ils ont autorisé à être leur ils ont autorisé à être ils ont voulu être aussi des vaisseaux pour Jésus-Christ. They saved so that we can be saved. Sie haben gespart, damit wir errettet werden können, damit sie sparen können. Ils ont économisé pour qu'on puisse être sauvés aujourd'hui. Amen. We cannot be saved. Denn ohne ihre Ersparnisse könnten wir nicht errettet sein. Parce que sans leurs économies, on n'allait pas être capable d'être sauvés aujourd'hui. We need their service to be saved. Wir brauchen ihre Ersparnisse, um gerettet zu sein, um selber sparen zu können. On a eu besoin d'avoir leurs économies pour continuer à économiser nous-mêmes aussi. Amen. Amen. Because God is a spirit. Denn Gott ist Geist. He needs a vessel. Er braucht ein Gefäß. Parce que Dieu est un esprit. Il a besoin d'un vaisseau. Durch das er arbeiten kann. À travers qui travailler. Are you getting it? Amen. Amen. He needs who to go through. Er braucht jemanden, wo schnell gehen kann. For us. Just like he's going through us. For others. For the coming ones. Genauso wie er durch uns geht. Für die anderen, die kommen. Dieses Ersparte geht immer weiter von Generation zu Generation. Donc ces économies partent de génération à génération. Il est venu économiser pour aider les disciples et les disciples à leur tour pour nous. Donc ça se multiplie. Praise the Lord. Et nous aussi pour les autres. He's always looking for who to live in and live through. Er sucht nach jemanden, durch den er, in dem er leben kann und durch den er leben kann. Il cherche toujours quelqu'un pour qui, à travers qui vivre. In Matthew 25, let's quickly go to Matthew 25. Matthäus 25. Praise the Lord. Matthew 25. Matthäus 25. On va lire Matthieu 25. Amen. Amen. From verse 30. Vers 30. Verset 30. We are going to say thank you today. Wir werden uns bei Ihnen bedanken für Ihr Erspartes. On va être reconnaissant aussi aux disciples pour leurs économies en fait. Just like others are going to say thank you to us for our service. Genau wie auch andere Sparten werden unsere Ersparnisse, denn unsere Ersparnisse sind niemals vergeblich. Tout comme les autres vont aussi nous dire se remercier, être reconnaissant pour nos économies qu'on est en train de faire pour eux. Somebody getting it. Praise the Lord. Proverbs 31. 31. He said, when the Son of Man shall come in his glory, and all the holy angels, it's he, not evil angels, holy angels, Heilige then angel. Shall he sit upon the throne of his glory. Mm-hmm. 32. And before him shall be gathered all nations, and he shall separate them one from another, as a shepherd divided his sheep from the goat. And he shall set the sheep on the right hand, but the goat on the left. Then shall the king say unto them on the right hand, come, you blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. For I was an hungry, and you gave me meat. I was thirsty, and you gave me drink. I was hungered, and you took me in. You can see our savings. It's not in vain. Es wird hier aufgelistet. Es ist nicht vergeblich. Es ist nicht vergessen. Donc, dans Matthieu 25, 30 à 32, on va voir que nos 34 même, on va voir que nos épargnes, nos économies, c'est pas en vain. Amen. Amen. You know, their savings, Peter, Paul, and others, their savings, they were not in vain. They are not in vain. Just like our savings will not also be in vain. Genauso wie auch unser Spatzen nicht vergeblich sein wird. On a vu que Pierre, Paul, leur épargne n'était pas en vain, et tout comme la nôtre, je ne serai pas aussi en vain. Amen. Amen. We are going to say thank you to them. Just like the God children, those that are still going to be God's children, are going to say thank you to us. Sich bei uns bedanken werden. Donc on est reconnaissant à, ce, à leur œuvre, tout comme les enfants de Dieu ou bien les futurs enfants de Dieu qui sont encore dans leur chemin pour devenir les enfants de Dieu seront reconnaissants aussi à nous. They are going to say thank you for being a vessel for Christ to live in and live through. Dass du ein Gefäß warst für Christus, durch den erleben konnte. Ils vont dire merci parce que tu as été un vaisseau à travers laquelle l'Éternel travaille. Amen. Our spirit, soul, and body, a vessel for the Lord. Geist, Körper und Seele, ein Gefäß für den Herrn. Notre corps, notre âme, notre esprit est un vaisseau pour l'Éternel. Our houses. A vessel for the Lord. Unsere Wohnungen, unsere Häuser, Gefäße des Herrn. Nos maisons sont un vaisseau pour l'Éternel. Amen. Mm-hmm. Our house here in Germany. All your flat. They are vessels for Christ. Alle Gefäße für den Herrn. Nos maisons, nos appartements ici, ils sont tous des vaisseaux pour l'Éternel. Amen. Amen. They are savings. Ce sont alles Ersparnisse. Ce sont des économies. Amen. Amen. The Benin house, the Lagos house, the house in they are all vessels for Christ Jesus to live in and live through. Damit der Herr durchleben kann, dadurch leben kann und darin leben kann. Et notre maison à Benin et aussi à Lagos, c'est aussi un vaisseau pour l'Éternel parce que l'Éternel vit dedans et aussi à travers. Amen. Amen. Our job, our money, our time. Yeah, our savings. How is somebody getting it? Notre argent, notre temps et tout ça, notre travail, ce sont aussi des vaisseaux pour l'Éternel, des économies pour l'Éternel. Today they are vessels for Christ. Heute sind das alles Gefäße des Herrn, durch die leben kann. Tout ça, c'est pour nous aujourd'hui, ce sont des vaisseaux pour l'Éternel ou bien des économies pour l'Éternel à travers laquelle l'Éternel vit. You know, just like we are not blessing Christ's house because we go to the church, but because we are sons of God. Also die Tatsache, dass wir das Haus Gottes nicht segnen, um gesegnet zu werden, sondern weil wir Söhne Gottes sind. Tout comme nous, on ne donne pas à l'Église parce que la maison de l'Éternel doit être bénie. Non, on donne à l'Éternel parce que on est déjà béni. C'est comme ça aussi que tout. So also we are no vessel for Christ Jesus because we go to church, but because we are sons. Genauso sind wir auch nicht Amen. Gefäße des Herrn, weil wir zur Kirche gehen, sondern weil wir Söhne Gottes sind. Tout comme nous sommes des vaisseaux Amen. Pour l'Éternel, pas parce qu'on part à l'église, non, parce que nous sommes des fils de Dieu. Jesus was a vessel for his father. Jesus war ein Gefäß für seinen Vater. Jésus était un vaisseau pour son père. Just like we are vessels for him today. Genauso wie wir heute Gefäße für ihn sind. Tout comme nous sommes des vaisseaux pour lui aujourd'hui. It is not a vessel to use and throw away. Und kein Gefäß, was er nutzt und dann wegschmeißt. Ne sont pas des vaisseaux laquelle il travaille donc il travaille à travers et après il va le jeter. A vessel that is a son, meaning a vessel that is himself. So ein Gefäß, das ein Sohn ist, ein Gefäß, das selbst ist. Un vaisseau qui est son fils, qui signifie aussi un vaisseau qui est lui-même. Amen. Amen. There's a difference between a vessel. You are using a vessel, and you are using a vessel that is yourself. Es gibt einen Unterschied zwischen ein Gefäß nutzen, ein Gefäß nutzen sein, ein Gefäß nutzen, was du selbst bist. Donc il y a une différence entre utiliser un vaisseau et utiliser un vaisseau qui est même toi-même. Remember John 10, he said, John 10. I and my father are one. Ich und mein Vater sind ein. I am a vessel, I and my father, we are one. Ich bin ein Gefäß und mein Vater und ich sind eins. Il dit genre, moi, je suis un vaisseau et mon père et moi, on est un. Just like you and me. You are him, you are one. Du und er sind, not two. Sind eins, nicht zwei. Though you are a vessel. Auch wenn du ein Gefäß bist. Tout comme toi et moi aujourd'hui, malgré nous sommes des vaisseaux, on est un avec notre père. Are you getting it? Though you are a vessel for him, but you are still one. Auch wenn du ein Gefäß für ihn bist, bist du still eins. Because it is him alone. Weil es um ihn allein geht. Malgré tu es un vaisseau pour lui, toi et lui, vous êtes un parce que tu, oui, tu lui appartiens, tu es un vaisseau pour lui. Praise the Lord. Oui, tu es son fils. What's the time? Are we to stop or to continue? We still have some few. Amen. The kingdom. Okay. The kingdom of heaven is our savings. Das Königreich des Himmels ist unser Erspartes. Le royaume de Dieu est notre économie. Amen. Amen. Just like the kingdom of heaven was his savings. Genauso wie das Königreich des Himmels sein Erspartes war. Tout comme le royaume des cieux était son économie. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. You know, once you want to do something, you go to, you know, something very, you know that you need a helping hand. You want something. You want to do something, you go to your savings. Just like that, so if you go to Matthew 14. Go to Matthew 14. Wenn du etwas vorhast, dann weißt du beispielsweise, dass du Hilfe brauchst. Und dann greifst du auf deine Hilfe zurück. Du greifst auf dein Erspartes oder auf deinen Helfer zurück. Tout comme quand tu as besoin de l'aide, quelquefois tu pars vers tes économies pour que ça puisse aider, vu que ça t'aide. C'est là pour t'aider. Et c'est comme ça aussi que nous, on part chez notre économie, qu'on a besoin d'aide. I hope you understand it. Yeah. Matthew 14, verse 29. Matthew 14, verse 19. And he commanded the multitude to sit down on the grass and took the five loaves and the two fishes. And looking up to heaven, he went to the savings. Yeah. Are you getting it? Let us always remember we are our savings. Il a dit, ordonner à la foule. Oui, ensuite lui-même aussi, lui quand il a levé ses yeux vers le ciel, c'est comme ça que c'était, il a fait cet acte de partir vers ses économies. Et c'est comme ça qu'il a nourri la foule. C'est comme ça, nous aussi, nos économies, on le prend quand on lève nos yeux vers lui. You know, Jesus, I don't know, maybe he did not even have account. His service was not in any bank. Because no bank here can even contain his money. Das erspart von Jesus war nicht auf irgendeiner Bank oder in einer Tasche, weil niemand und nichts kann das greifen, fassen, was er als Erspartes hat. Donc, tout that comme l'économie de l'éternel, c'était pas dans un banque, compte bancaire ici sur terre, parce qu'il a vraiment beaucoup, il a vraiment, vraiment beaucoup, que même pas une banque a la capacité d'obtenir ça ou bien de garder ça. Et c'est comme ça, et c'est pour cela, c'est toujours au royaume des cieux. You know, the natural man, you know, they have, you know, for them, they are just so constant, and they know what they are doing. Once they are in need of any help, you know, they know where their savings is. They go there. But God, children, we should know where our savings is. Der natürliche Mensch ist sehr stabil und er weiß, wo er sich Hilfe zu suchen hat und welche Schritte er einleiten muss, um das zu bekommen, was er will. Und deswegen greift er dann halt auch auf seine Ersparnisse, wenn es sein muss. Aber wir Kinder Gottes, weshalb haben wir nicht diese Zuversicht, dieses wissen, dass wir auch Erspartes haben, worauf wir zurückgreifen können. On voit que l'homme naturel ici sur Terre, il est vraiment très sûr de lui. Il sait que ben, quand j'ai besoin de l'aide, je sais qu'est-ce que je veux faire, où je veux partir pour prendre mes économies qui va m'aider au futur. Donc, il est vraiment très stable, en fait. Mais nous, les enfants de Dieu, pourquoi on n'a pas cette stabilité? Pourquoi on ne sait pas vers qui partir, à qui s'adresser pour avoir nos économies, pour nous aider? Pourquoi on ne connaît pas la fête, en fait? We are so used to the economy of this world. Wir sind so gewöhnt an that of heaven will run away from people. Wirtschaft dieser Welt, dass die himmlische Wirtschaft uns sogar aus den Händen entrinnt. On est si habitué aux économies de ce monde que les économies qui nous appartiennent du royaume des cieux, c'est en train même de fuir parce que ça n'a rien en commun avec les économies de ce monde. You know, if we talk about savings right now, I just talk about saving. You know, everybody's mind will go to the bank. Also sieht jeder das mit eurem Bank, mit eurem Schein, mit Geldern. Si on parle des économies aujourd'hui, donc tout le monde, dans leur pensée, ça va partir directement à la banque, en fait. None of you, even including myself, our mind will go to heaven. Niemand, auch I'm telling ich you. Nicht, würde direkt an den Himmel denken. Because we are not used to it. Weil wir nicht daran gewöhnt sind. Quand on parle des économies, personne d'entre nous va partir avec sa pensée vers le royaume des cieux, vu que parce qu'on est même moi-même, parce qu'on n'est pas habitué à ça, on pense directement à la banque mondaine. Amen. He wants us to be used to his system. Er möchte, dass wir gewöhnt sind an sein System. Lui, il veut qu'on puisse être habitué à son système. Amen. Amen. Ah. Praise the Lord. Alléluia. He looked and looking up to heaven, he blessed and he did not curse. Und als er auf den Himmel schaute, hat he did not say this one is so little. Hat er das Kleine, was er hat, nicht he did not underrate it. Verflucht. Sometimes we underrate what. Mm-hmm. It might be two fish and five. We underrate it so much that nothing is working. We underrate it. Er hat das Kleine, was er hat, nicht unterschätzt oder belächelt, ist darüber lustig gemacht. Nur dieses Unterschätzen ist sehr, sehr gefährlich, diese Gedanken, Dinge zu unterschätzen, sozusagen, die wir schon haben, anstatt sie zu segnen, so wie der Herr es hier getan hat. L'Éternel, ici, on voit dans cet exemple, avec les trois pains et les cinq poissons, par exemple, lui, il avait vu seulement son père, il n'avait pas sous-estimé le peu qu'il avait. Il n'a pas dit, ben, c'est trop peu, qu'est-ce que je veux faire maintenant? Non, il n'a pas sous-estimé ça, il a pris ça en connaissance et il a directement multiplié. Et c'est ce que nous aussi, on doit être habitués à le faire. On ne doit pas sous-estimer le peu qu'on a. You know, two fish and five loaves cover everything. Zwei Fische und fünf Poissons haben alles abgedeckt. Trois pains et cinq poissons, ou bien cinq poissons et trois pains, étaient suffisants à nourrir toute la foule. You know, before we start, the service started today. You know what? You know, you were discussing about how two fish and five loaves was not enough to do all the job. Haben wir darüber gesprochen, dass fünf Brote und zwei Fische nicht reichen werden, um das ganze Werk zu verrichten, um diese ganze Sache durchzuziehen. Aber wir dürfen den Herrn nicht unterschätzen. Avant de commencer cette prédication, on pensait que on avait discuté le fait que trois pains et cinq poissons n'est pas suffisant à faire un grand travail ou bien à faire ce qu'on a besoin à faire. You know, Nini said, no, somebody can't pass it, cannot be doing this, cannot be doing this. She was just counting her finger. I saw her counting her finger. She was counting it, you know, two fish and five loaves. Are you getting it? We don't underrate, don't stop underrating. What Christ, you know, the Lord is not looking for quantity. When are we going to learn it? When are we going to be there? One Moses was enough. If it's today to deliver to the children of Israel, they will need 1,000 Moses. Or 2,000, 3,000. But the Lord said one was enough. Und genauso auch heute, dass wir darüber gesprochen haben, wie viele Leute wir vermuten zu glauben für diese ganzen Projekte, obwohl der Herr da auch ganz klar sagt, dass wir uns keine Sorgen machen müssen und das Prinzip von zwei Fische und fünf Brote anwenden sollen. Aber wann werden wir endlich rauswachsen aus der Denkweise dieser Welt, ne? Weil nach der Denkweise dieser Welt hätte man auch für die Befreiung der Israeliten aus der Gefangenschaft der Ägypter auch gesagt, okay, man braucht mindestens hunderte von Mose, die ausgebildet sind und die sich auskennen in Sachen Befreiung. Aber ein Mose hat gereicht, um um die Kinder Israels zu befreien. Es hat nicht hunderte Mose gebraucht. Amen. Donc on va voir aussi qu'aujourd'hui, au commencement, on a commencé à compter, oui, nous sommes vers genre 5 personnes, on ne peut pas faire un travail de 60 personnes, en fait. Et on va voir que dans le royaume des cieux, ce n'est pas comme ça. Parce que selon le monde, même Moïse, il a eu, pour libérer les enfants d'Israël, il a dû avoir 50 Moïse pour faire le travail. Il a eu seulement besoin d'un seul Moïse pour libérer tous les enfants, tout son peuple. Et c'est comme ça qu'on doit, on doit être conscient de ça. Praise the Lord. Yeah. He blessed. He did not underrate it. Er hat es gesegnet und hat das, was er hat, nicht unterschätzt. Donc le peu qu'il avait, il a béni ça. Il n'a pas sous-estimé le peu qu'il avait. And break. And gave the loaves to his disciples. And the disciples to the multitude. That was all. Und das war's. Amen. Donc, il a pris seulement le peu qu'il a eu, il a béni et il a continué, il a donné à ses disciples. Et c'est tout. Amen. Amen. Again, you know, the world system, that's why Jesus said, the kingdom, the children of this world, they are more intelligent than even the kingdom, the children of the kingdom. Mm. They know what to do. They know their bank system. Mm. They know their savings. Your children are saved. They don't even know they are saving. I don't know if you have heard. Once they say, they talk about saving, they just see themselves not saving. Aber die Kinder von Christus, die wissen eben, die denken, wenn es um Erspartes geht, können sie nicht mitreden, weil sie nichts zu bieten haben. Donc on peut voir que les enfants de ce monde sont vraiment plus sages que les enfants de Dieu. Parce que quand on parle, par exemple, de les enfants de ce monde, eux, ils savent où sont les épargnes, quoi faire, comment le faire. Nous, les enfants de Dieu, dès qu'on parle des épargnes, des économies, on pense déjà que hey, moi, je n'ai pas des économies, moi, je n'en ai pas. Au lieu de penser à leur royaume, ils ne sont pas capables de le faire. They see themselves in debt and never see themselves as a provider. Sie sehen selbst als Leute, die verschuldet sind und nicht als Versorger, obwohl wir uns Christus nennen. Aber was für ein Christus sind wir denn dann? How does he know that you know that you are so well equipped? No. Are you getting it? You have savings. You have savings. Donc dès qu'on parle des économies, les enfants de Dieu, c'est comment commencent à se voir comme les gens qui n'ont pas des économies, qui ont des dettes ou des économies, qui sont en train de se préoccuper. Et toi, tu t'appelles un enfant de Dieu, mais quel genre d'enfant de Dieu es-tu? Praise the Lord. Amen. Amen. We understand your system more than the system of the kingdom of heaven. Yeah. And that's why any time at all, anything, money, we just straight bank and we go out the bank. Yeah, you can see your level. It's still the system of this world. Mm-hmm. You never go straight to heaven. Mm-hmm. Are you getting it? Yeah, we see that our system is immer the system. Dieser Welt ist, no, und nicht das System von Christus, nicht das System des Himmels. Et on voit vraiment que notre système, c'est toujours le système de ce monde et pas le système du Christ. Dès qu'on parle de l'argent, on est déjà, on ne croit pas qu'on a de l'argent. Heaven is a provider. The Himmel ist ein Versorger. Le royaume des cieux est notre fournisseur. You know, they have their savings. That is their life. Was ihr Leben ist. You know, as their life. Qui leur leur vie en fait. So also we have our saving, which is Christ Jesus as our life. Und genauso haben wir auch unser Erspartes, Christus Jesus als unser Leben. Tout comme nous aussi, on a nos économies qui est Jésus Christ, qui est notre vie aussi. Amen. Amen. Amen. And the only way we can be a vessel for Christ, and continue to be a vessel, is we have the mind of Christ. Well, we will continue from here. Wir können nur ein Gefäß für Christus Jesus sein, wenn wir die Gedanken des Herrn haben. On peut seulement continuer à être des vaisseaux pour Christ si notre pensée est toujours céleste. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. If we have the mind of Christ, wenn wir die Gedanken von Christus haben, si on a la pensée de Christ, his mind was full of heaven. Seine Gedanken waren voll vom Himmel. Where he came from. And that's where we are from also. Amen. Where our heart is not full of that. Aber unser Herz ist nicht voll davon. Les pensées du Christ étaient vraiment concentrées, c'était vraiment plein du ciel, du royaume des cieux, là où il vit, d'où il vient. Et nous aussi, on vient de là, mais notre cœur est toujours terrestre, n'est pas céleste. Et ça, c'est vraiment pitoyable. We always say we are here, but not of here, just from out. The next test is proving that you are here and you are of here. Aber beim nächsten Test zeigt, woher du eigentlich wirklich kommst. On est les premiers à dire que oui, je suis ici, mais je suis pas d'ici. Mais la deuxième opportunité, que la chose qu'on fait, c'est de ne pas le faire voir. On fait voir vraiment nos actions, fait voir que on n'y croit pas vraiment, qu'on se comporte comme les gens qui sont d'ici. Amen. Christ was so heavenly conscious. Christus war so himmlisch bewusst. Das sollte auch unser System sein. Christ était vraiment conscient de son royaume et son système. Et nous aussi, on doit apprendre à vivre cette vie. The system can never work for us. Ihr System kann niemals bei uns funktionieren. Leur système ne peut pas jamais travailler. Pour... Amen. It's like electricity and wood. It can never work. Genauso wie Strom nicht durch Holz geleitet werden kann. Tout comme, l'électricité ne peut pas marcher à travers le bois. C'est comme ça aussi que le système de ce monde ne peut jamais travailler pour nous ou bien marcher à travers. It's like the system of Nigeria, the system of Congo. You just bring them here and just be operating them here. It can never work. There are rules and regulations. It can never work. Heaven have a system. Genauso wie das System von Nigeria, von Kongo, wenn man versucht, es dann hier anzuwenden, das wird nicht funktionieren. Der Himmel hat sein eigenes System und wir müssen uns unter diesem System demütigen oder es sein lassen. Tout comme le système de ce monde, le système de, par exemple, quand tu pars au Nigeria ou bien au Congo, tu veux emmener ce système ici en Europe, en Allemagne, ça va jamais marcher. You know, I almost asked the Lord that why are you giving me this message? If we cannot even act on it. He said he knows we can act on it. That's why he's giving us. Amen. Amen. Amen. Amen. He said we just need to just change our focus. Amen. That's all. Amen. And be there for one another. Remind one another. Look, don't forget. Where we are from. Und der Herr sagt mir auch gewiss, also ich habe auch den Herrn gefragt, weshalb soll ich das predigen, wenn die Leute das eh nicht anwenden werden, das nicht packen können. Aber der Herr sagt, nein, ich sage das, also du sollst es prägen, weil die Leute es tun können. Amen. Et moi j'ai demandé à l'Éternel, mais pourquoi tu me donnes ce message? Parce qu'on n'est même pas capable à agir ainsi, ou bien à le comprendre, ou bien oui, à le vivre. Et l'Éternel m'a dit que je vous donne ce message parce que je sais, je vous fais confiance, je sais que vous êtes capable à le faire. Mais vous avez besoin de vous rappeler l'un vers l'autre, vous aider l'un et l'autre pour se rappeler de ça et pour y vivre. First Corinthians 2 says we have the mind of Christ. Is it true? 1. Korinther 2 steht, dass wir die Gedanken von Christus haben. Aber stimmt das? 1. Korinthians 2 nous dit qu'on a les pensées du Christ, mais est-ce que c'est vrai? Amen. Amen. Christ was heavenly minded. Are we heavenly minded? War himmlisch gesinnt. Sind wir auch himmlisch gesinnt? Jésus-Christ avait les pensées surnaturelles, mais est-ce que nous aussi on a les pensées surnaturelles? Amen. Amen. The difference between us and them is so little. Der Unterschied zwischen ihnen und uns ist so klein, fast gar nicht sichtbar. Et la différence entre eux et nous, c'est si petit, c'est presque pas visible. Praise the Lord. Yeah. We stop here, please. I hope you understand the message. Amen. We finish it on Wednesday before the testimony. Amen. Amen. I really want us to finish it. Because there are still things coming there.